Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Glenn Gould, géant parmi les excentriques et pianiste de génie. Je sais qu'en Union soviétique, moi, c'est là que j'avais découvert son premier, le disque que j'avais acheté, le premier de lui. Son passage en 1957, c'est resté dans toutes les mémoires. Les plus grands m'en ont parlé, enfin Richter m'en a parlé comme une apparition extraordinaire. Et il a passé quelques jours, mais ça a suffi. En Allemagne, je crois qu'il a donné quelques concerts aussi vers cette même époque. Et tous les disques de Glenn Gould sont vendus en Allemagne, tous. Il est passé en Israël, c'était la même chose. À chaque fois qu'il est passé quelque part, ça a suffi une seule fois. Le violoniste Bruno Mont-Saint-Jean, qui a réalisé un film sur Glenn Gould à l'émission Au fil des arts en 1978. Bruno Mont-Saint-Jean qui nous dit en substance que Glenn Gould va laisser sa marque partout où il passera. Quel formidable paradoxe pour ce pianiste qui va décider pourtant très tôt de ne plus donner de concerts en public. Mais malgré son absence sur scène, Glenn Gould va marquer profondément l'univers de la musique classique, de même qu'il occupera une place considérable dans notre imaginaire collectif. Comme vous le savez, je n'ai pas l'habitude de prendre la parole lors d'un concert. Mais nous sommes aujourd'hui placés dans une situation curieuse. Vous allez entendre une interprétation peu orthodoxe du concerto en ré mineur de Brahms. Une version nettement différente de toutes celles que j'ai entendues, ou même rêvées d'ailleurs, dans ses tempi remarquablement larges et dans l'éloignement fréquent des indications dynamiques de Brahms. Je ne peux pas dire que je suis totalement d'accord avec la conception de M. Gould. Et ça soulève une question intéressante. Pourquoi est-ce que j'accepte de le diriger? Il ne m'est arrivé qu'une seule autre fois dans ma vie d'avoir dû me soumettre au concept totalement nouveau et incompatible d'un soliste. Et c'était la dernière fois que j'ai accompagné M. Gould. Le chef d'orchestre, le célèbre chef d'orchestre Leonard Bernstein, le 6 avril 1962, juste avant le début d'un concert qu'il dirige à New York avec Glenn Gould comme pianiste invité, pour nous parler de la musique et de la personnalité de Glenn Gould, mon invité Georges Leroux, professeur émérite au département de philosophie de l'Université du Québec à Montréal, auteur du livre Partita pour Glenn Gould, musique et forme de vie. Georges Leroux, bonjour. Oui, bonjour. Un mot d'abord sur cet extrait tellement formidable. Qu'on vient d'entendre, qu'est-ce que ça nous dit sur Glenn Gould, sur sa personnalité, sur son style de jeu? Ça nous dit d'abord que Gould ne faisait rien comme tout le monde. Le concerto de Brahms qu'on entend, que va diriger donc Bernstein, n'est pas joué de cette manière d'habitude. C'est ça, si lent. Bernstein dit broad. Broad, ça peut veut dire vaste, ça peut vouloir dire toutes sortes de choses. Mais dans le cas de l'interprétation de Gould à New York, ça voulait dire surtout une grande lenteur pour que l'émotion du thème soit ressentie par chacun. Donc c'est très, très lent, c'est très, très intérieur. Gould n'avait pas d'affection particulière pour Brahms. Je dirais même que Brahms ne faisait pas partie de son répertoire de prédilection. Mais il avait, pour Brahms, véritablement quelque chose qui lui faisait comprendre de l'intérieur. Et ça a été le cas de tous les répertoires qu'il a revisités, et en particulier Brahms et Mozart. Donc cette capacité, en fait, le grand interprète, il est là, s'approprier une œuvre, la relire avec sa propre sensibilité. Et vous avez qu'un livre, Georges Leroux, sur Glenn Gould. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous intéressait tant chez lui pour lui consacrer un livre entier avec tout ce que ça veut dire? Parce que dans ma jeunesse, mon premier contact de fond avec la musique, ça a été le disque des variations Goldberg de 1955. Et donc, j'étais très jeune. Je le reconnais, j'aurais pu écouter Gould au concert à Montréal, il a joué, mais bon, ça ne s'est pas trouvé, mes parents ne m'y ont pas amené, ils n'étaient pas eux-mêmes ni musiciens ni même mélomanes, mais ce disque est entré dans ma vie et m'a bouleversé. comment un disque arrive dans nos vies, ah, c'est souvent l'occasion, c'est le hasard. Mais ce disque était si beau et si prodigieux des premières mesures des variations Goldberg jusqu'aux variations les plus spectaculaires. Et donc, j'ai suivi Gould ensuite. Je l'ai accompagné, oui, il m'a accompagné. Enfin, j'ai vécu dans sa vie personnelle. J'ai suivi son travail de concertiste, j'ai suivi sa vie brillante, ouais. J'ai suivi sa détresse aussi devant le concert, son incapacité de continuer cette carrière de concertiste pour toutes les raisons qu'il a souvent dites, à savoir que le concert est une expérience de cirque effrayante dans laquelle l'artiste est méprisé au total. C'était sa vision des choses et dont il s'est retiré. Donc c'est une pulsion, ça, Lee. Vous deviez l'écrire. Gould s'est mis à vivre en moi à la retraite d'une manière extraordinaire et j'ai écrit ce livre. Alors revenons sur le parcours de Gould pour dire d'abord ce qui est souvent le cas. La musique arrive pour lui très, très tôt dans sa vie. Oui, oui. Alors lui, il avait un talent musical évident, il avait l'oreille absolue et sa mère était une professeure de piano. Et donc, elle a reconnu ce talent chez son fils, très jeune, et elle a décidé, alors qu'il était vraiment un très jeune enfant, de 3 à 5 ans, enfin, c'est ce qu'il a raconté, de 3 à 5 ans, elle l'a formé au clavier. Et donc, là, elle n'a même pas attendu qu'il sache lire, parce qu'il pouvait faire beaucoup, beaucoup de choses à partir de ce qu'elle lui indiquait. Et puis, ensuite, je dirais probablement à partir de 6 ans ou 7 ans, elle l'a placé chez un maître qui a été pour l'essentiel son grand pédagogue, le professeur Guerrero. Il était venu du Chili, il avait une technique très particulière qui a eu beaucoup d'influence sur le jeu de Gould. On pourrait en parler, c'est une technique qui consistait à forcer le rapport de l'épaule au bras à partir d'un jeu qui faisait taper les doigts sur des surfaces sèches. Et donc Gould s'est formé comme technicien du clavier, ce qui lui a donné une maîtrise prodigieuse. Ouais. Il pouvait faire des choses qu'aucun pianiste ne pouvait faire. Et avec un début de carrière hâtif, il a ce talent, diplômé du conservatoire à 12 ans, en concert, avec, comme soliste déjà, à l'Orchestre symphonique de Toronto à 14 ans. Oui. C'est inouï quand même. Oui, oui. Dans les concertos de Beethoven, il faut quand même le dire, le conservatoire de Toronto a conservé la mémoire de toute sa formation en raison des programmes. On sait ce qu'il jouait, on sait ce qu'il jouait aux examens, et on voit qu'il ne reculait devant rien, il faisait les choses les plus difficiles. Oui, c'était un artiste de génie, un prodige, c'est ce qu'il faut dire. Et ça va donc donner un début de carrière vraiment fulgurant. Il se promènera, parce qu'à ce moment-là, il donne des concerts dans les grandes villes européennes. Bruno Mont-Saint-Jean parlait de la marque qu'il a laissée là où il est passé. Et puis arrive en 1955, ce qui pour vous donc a été ce grand déclencheur et ce qui pour beaucoup de nous reste l'un des plus grands disques à avoir été enregistré, arrive ceci. Cette interprétation des variations Goldberg sur disque, donc en 1955, ce sera son début chez Columbia. C'est un disque important et ce sera un très, très grand disque. C'est le disque qui va le rendre célèbre, Georges Leroux. Pourquoi décide-t-il de s'attaquer aux variations Goldberg de Bach? Elles sont d'abord, ces variations, techniquement très difficiles. Et en même temps, elle représente le sommet de l'art du contrepoint que Gould va d'ailleurs illustrer dans tous ses enregistrements de Bach, principalement, je dirais, les partitas, les inventions. Et donc, quand Gould s'y attaque pour son premier enregistrement, ses producteurs à Columbia vont tenter de le dissuader parce que ce sont des exercices de style qui n'ont pas la forme parfaite, par exemple, du clavier bien tempéré ou des partitas. Et Gould va maintenir son désir d'aller vers ce répertoire, vers ce disque, parce qu'il sait ce qu'il veut faire. Oui. Et qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut introduire une nouvelle façon de jouer Bach, c'est-à-dire de révéler d'abord et avant tout les équilibres dans l'écriture de Bach, l'écriture du contrepoint. Et donc, la plupart des pianistes avant lui, il a reconnu une dette envers Madame Turek. Bon, la plupart des critiques disent, oui, c'est vrai, Madame Turek déjà avait ouvert ce chemin vers une interprétation dépourvue de tout legato, c'est-à-dire pas de sentimentalisme, mm-hmm. pas de romantisme exagéré, un travail uniquement sur les timbres. Vous savez, Gould disait, et ça m'a toujours frappé, et c'est l'explication, je pense, la plus importante pour le choix des variations, qu'il n'est pas nécessaire de jouer la musique. On peut l'entendre seulement en la lisant. Et quand on la lit, qu'est-ce qu'on voit? On voit ses rapports harmonieux, on voit ses distances, ses écarts, on voit l'écriture. Et donc, Gould rapportait cette écriture-là à une sorte d'écriture céleste, parfaite, transparente, ouais. Et c'est ce qu'il a voulu faire avec les variations. Et il va le reprendre, évidemment. Bach va, ce sera un des grands interprètes de Bach. C'est intéressant, au fond, cette première lecture dont vous nous faites part, K. Gould de Bach, des variations Goldberg, parce que ces variations... Celle qu'on vient d'entendre, ce disque qui va le rendre célèbre en 55, c'est une exécution prodigieuse, mais qui est très, très loin de la version qu'il va refaire plus tard, en 1981, des mêmes variations Goldberg. Je vous propose un petit exercice pour comparer les deux versions. On va d'abord écouter un extrait de la première variation tirée du disque de 81, le disque de la maturité, et suivi tout de suite après de cette même variation, la première, dans la version de 1955. On pourrait débattre des heures et des heures. Je pense qu'il y a quand même un consensus, généralement, que la version de 81, je disais, version de la maturité. En tout cas, c'est spectaculaire, le changement. Ça nous en dit beaucoup sur l'évolution musicale de Gould entre le début de sa carrière et la fin de sa carrière. Comment comparer ces deux versions, Georges Leroux? Quelle est la différence et comment les comprendre? Gould n'a cessé d'approfondir le privilège de la lenteur, c'est-à-dire le privilège de l'imprégnation lente dans la conscience que nous avons de l'œuvre musicale, de l'effet qu'elle a sur nous. Il en a parlé comme d'un processus spirituel. Il a utilisé le mot « divinisation ». Il a parlé de divinisation. Et il a parlé aussi du ministère de la musique, référant bien sûr au ministère religieux. Nous sommes, chacun dans notre vie, les ministres de cette exécution, de ce travail que nous faisons sur nous-mêmes pour nous spiritualiser. Et donc, les variations Goldberg, la distance entre ces deux versions, c'est clair qu'au départ, la virtuosité intéressait beaucoup Gould. Oui. Et parce qu'elle révélait le contrepoint, il faut le dire, le rythme, et la vitesse. Admirablement exécuté. Admirablement. Mais plus il a progressé, plus il a vu l'importance d'abord du silence, mais aussi de cette lenteur qui nous fait entrer dans l'œuvre. Et donc, dans la dernière version, c'est sûr et certain, nous avons une appropriation spirituelle beaucoup plus profonde. On est dans l'âme de la musique. Oui. Il n'hésitait pas à utiliser ces mots-là, je tiens à le dire. Oui. Évidemment, un tout petit mot, parce que ça va vite cette émission, mais bien sûr, Bach, ce sera très, très important pour lui, mais il y aura d'autres œuvres qui sont dignes, dans sa discographie abondante, qui sont dignes de mention, Georges Leroux. Oui, il y a le massif Bach, qui est complet, entier, qui est absolument remarquable. Il y a quelques interventions périphériques, si j'ose dire, parce qu'il aimait beaucoup ceux qu'il considérait comme les véritables héritiers de Bach, essentiellement l'école de Vienne. Et donc, Schönberg, Berg, il a joué ça admirablement, les sonates, toutes les pièces aussi accompagnant les chanteurs, les leaders, par exemple, de Schönberg sont un de mes disques préférés, c'est tellement beau. Alors, c'est une discographie qui est étalée sur toute l'histoire de la musique, et pas seulement sur le répertoire baroque. Parlons de son rapport tourmenté à la scène. En 1964, on l'a un petit peu évoqué, mais en 64, Glenn Gould décide qu'il ne donnera plus de concerts en public. On écoute le violoniste Yehudi Menuhin en parler dans le film de François Girard, 32 films brefs sur Glenn Gould. Évidemment, il avait, d'un certain point de vue, raison. Dans le public, il y a ceux qui entendent mieux, ceux qui entendent moins bien, ceux qui voient mieux, ceux qui voient moins bien. Quelquefois, il y a un public dans les grandes églises qui sont assis derrière des piliers, qui ne voient rien. L'acoustique, quelquefois, est exagérée, où on entend quelque chose de trop ou de trop peu, où le volume est trop grand, où la réverbération fait mal aux oreilles. Il a raison, ce n'est pas toujours idéal. Mais ça fait partie de la vie. Je ne suis pas de sa taille du point de vue créateur. Je ne peux pas me faire une vie tout seul et ne concentrant que sur cet exercice intellectuel et physique et essayant d'échapper à tous les courants d'air, protégé par un foulard, ne pouvant pas supporter que quelqu'un me touche à l'épaule. Et en même temps, il adorait aller dans les villages des pêcheurs. La nature, il aimait. Les hommes naturels, il les aimait. Il aimait le pêcheur beaucoup plus qu'un public à New York. Alors pourquoi Glenn Gould, Georges Leroux, décide-t-il que ça suffit, il ne veut plus donner de concerts en public? Ça faisait déjà un moment que cette décision se préparait. On le sait par sa correspondance. Il écrit à ses correspondants qu'il ne supporte plus les aléas du concert, les bruits dans la salle, la vulgarité des publics, les exercices, je dis tout à l'heure, de cirque auxquels il est contraint par les médias et ainsi de suite. Donc il n'aimait pas tout simplement la représentation. Il n'aimait pas. Il pensait très profondément que nous arrivons à une période où le concert n'est plus nécessaire. C'était vraiment sa conviction profonde. N'oubliez pas, il connaissait Marshall McLuhan, il pensait que nous entrions dans un monde où la musique serait mieux servie par l'enregistrement et le disque que par le concert. Et donc, il a décidé de s'y consacrer. Recherche d'une certaine pureté. D'une perfection. En même temps, avec cette contradiction formidable qui agaçait beaucoup d'auditeurs, de mélomanes, et qui fait partie de son côté excentrique, ce chantonnement qu'il avait, il y a quelque chose de contradictoire là-dedans. Oui, il aurait pu le faire annuler sur beaucoup de disques, il l'a conservé. Ça fait partie de la représentation, reprenons ce mot, de lui-même comme artiste en quête de cette perfection spirituelle. Donc, il montre qu'il est là, lui. Ouais. Et donc, l'œuvre n'est pas absolument abstraite et détachée de son contexte d'enregistrement. Et du moment qu'il quitte la salle de concert pour faire ce que nous faisons ensemble aujourd'hui, c'est-à-dire entrer dans un studio, il va consacrer toute sa vie au studio. Ouais. Il y a deux studios Gould. Il y a le studio de Radio-Canada qui va lui être littéralement donné, où il va faire des choses prodigieuses, notamment la trilogie de la solitude, où il va à la rencontre de ces personnages qu'évoque Menuhin, les pêcheurs, les gens terneurs. Des grands documentaires. Extraordinaires, avec un contrepoint de voix qui est l'équivalent d'une musique. Il le disait, c'est une musique radiophonique. Alors ça, c'est le premier studio. Et il y a le deuxième studio, qui est le studio de ses enregistrements, où il revient sans cesse à la recherche d'une perfection d'enregistrement qui est toujours évidemment inaccessible. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours recommencer, il y a toujours quelque chose qu'on voudrait améliorer. Ouais. Donc, il crée à ce moment-là le paradoxe que j'aime beaucoup. L'expression n'est pas de moi, elle est de son biographe Kevin Bazana, d'ermite prédicateur. C'est un ermite, il vit en retrait, mais c'est un faux retrait parce qu'il veut convaincre tout le monde. Il fait des émissions à la télévision de Radio-Canada, il explique les œuvres, il se promène partout pour faire en sorte que les jeunes publics viennent vers la musique. Ouais. C'est un ambassadeur, c'est un prédicateur. Et c'est vrai qu'il aura donc, à partir du moment où il ne fait plus de scène, il aura ses deux carrières d'enregistrement dans un de ses studios de musique et une grande carrière à la radio et à la télé, mais beaucoup à la radio, au réseau anglais de Radio-Canada. Et ce côté donc, il en parlait, Menuhin aussi, ce côté excentrique, ça correspond à quoi chez lui et dans quelle mesure ça participe au mythe Glenn Gould, les gants tout le temps? Il y a deux excentricités. Il y a une excentricité, je dirais, qui est l'excentricité de tous ceux qui ont une vie singulière. Alors, les gants, l'habillement, les foulards, la casquette, et ainsi de suite. C'est pas délibéré. Il était comme ça, il avait toujours froid. Mais la deuxième excentricité, ce deuxième volet, c'est l'excentricité délibérée. Par exemple, quand il crée des personnages, il va à la télévision, il joue des personnages. Il met des perruques, il joue Karl-Heinz Stockhausen. C'est pas pour se moquer. Il entre, en d'autres mots, dans la polyphonie de la vie pour montrer tout ce que nous sommes et que nous n'arrivons jamais à être. Nous sommes plusieurs. La musique nous donne accès à cette pluralité d'êtres que nous pourrions désirer dans une vie atteindre. Oui. Nous aimerions être cela. Donc, cette excentricité chez lui est vraiment complexe. Il meurt jeune, il meurt à 50 ans. Oui, qu'a-t-on perdu? Tout. Moi, j'aime dire que si j'avais été son ami, je l'aurais sauvé. Parce que sa mort était prévisible. Elle était inscrite dans son rapport à son propre corps. Menuhin mentionne qu'il n'aimait pas être tapé sur l'épaule. Ah, c'est une façon très légère d'évoquer un incident qui a été majeur dans sa vie. Quand un technicien, juste par marque d'affection, l'a tapé peut-être un peu fort sur son épaule et que Good a eu le sentiment que son épaule était massacrée. Il avait un rapport à son corps qui était maladif. Ouais. Et il était parfaitement paranoïaque, il pensait toujours qu'on allait détruire ses capacités. Il a eu recours à des techniques de soins qui étaient véritablement désastreuses, de l'orthopédie, toutes sortes de choses. Il s'auto-médicamentait, on le voit dans le film de Girard, il prenait des drogues effrayantes et ainsi de suite. Non, il aurait fallu qu'il ait quelqu'un, je dirais pas comme moi, vous comprenez bien ma position, mais il aurait fallu qu'il ait quelqu'un parmi ses amis, ouais. Notamment le psychiatre Oswald, qui l'a tant aimé, et qui lui aurait dit, écoute Glenn, essaie de dormir mieux, mange mieux, fais un peu de yoga, et oublie toutes ces technologies ou tu te tues à petit feu. C'est ça qui s'est passé. Il en reste quoi, Georges Leroux, de cette figure aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il incarne aujourd'hui, chez nous et dans le monde? Il incarne la recherche que tout artiste doit conduire durant toute sa vie de sa perfection personnelle. Parce que l'art qu'il a mené et qu'il nous a légué, on a perdu pas tout, parce qu'évidemment on a ses disques, mais il incarne ce que l'artiste nous donne, c'est-à-dire un modèle de vie. C'est pour ça que j'ai parlé de forme de vie. Cette forme de vie, c'est la recherche absolument interminable que l'artiste a d'une forme de vie parfaite. Il veut être meilleur lui-même, et il atteint ce bien personnel en recherchant la forme dans l'art. Georges Leroux, c'était fascinant. Merci beaucoup d'être passé me voir. Merci à vous. Merci de m'avoir invité. Georges Leroux, professeur émérite de philosophie à l'Université du Québec à Montréal, auteur du livre « Partita pour Glenn Gould, musique et forme de vie » publié aux presses de l'Université de Montréal. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.